un père. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Fab Caro et je vais vous raconter l'histoire de Fabien et la housse de couette. Ce matin-là, Fabien avait décidé d'aller acheter une housse de couette chez Emmaüs, dans la petite boutique juste à côté de chez lui, qui vendait tout un tas de choses d'occasion. Parce que, voilà, sa couette n'avait pas de housse, et c'est triste une couette sans housse. Parfois, Fabien regardait sa couette sans housse, et il se mettait à pleurer. Oui, parce qu'il faut savoir que Fabien était un petit peu triste. Il vivait seul, il n'avait pas de famille, et c'est pas drôle d'être seul. Et la couette sans housse lui rappelait qu'il était seul, même si on ne voyait pas bien le rapport comme ça, au premier abord. Il s'était donc rendu chez Emmaüs et avait trouvé une magnifique housse de couette, blanc crème, comme neuve. Il était ravi. Ça lui avait rendu un petit peu le sourire. Il avait aussi acheté un fil de table de ping-pong, mais non seulement il n'avait pas de table de ping-pong, mais il n'avait pas non plus ni raquette, ni balle, ni amis pour jouer au ping-pong avec lui. Mais bref, ça n'a rien à voir avec notre histoire. Aussitôt rentré chez lui, Fabien s'attela à la tâche et décida d'enfiler la couette dans la housse de couette. Il attrapa le coin gauche de la couette et, sans le lâcher, alla le placer pile dans le coin gauche de la housse de couette. Puis il fit de même pour le coin droit. Quand il eut terminé, malédiction! Il réalisa qu'il s'était trompé de coin. Il y avait un coin de housse au milieu qui n'avait pas de coin de couette. Alors, il s'assit par terre et se mit à pleurer. Puis, il se reprit et essaya une deuxième fois, patiemment. Mais à la fin, de nouveau, un coin de housse sans coin de couette. Pas le même, un autre. Alors, il pleura de nouveau. Bien décidé à ne pas se laisser abattre, il entra dans la housse de couette pour bien vérifier que chaque coin de couette était bien dans chaque coin de housse. Tout d'abord, juste la tête, puis le tronc, puis complètement. Hourrah ! Ça y était, les quatre coins étaient tous à leur place. Il était si heureux qu'il pleura un peu, mais d'émotion cette fois. Voilà, il ne lui restait plus qu'à ressortir de la housse. Sauf que, impossible de retrouver la sortie. Il avait beau tourner, retourner dans tous les sens, écarter la housse du bout des bras pour mieux voir, rien à faire. Il ne savait plus du tout par où il était entré. Alors, il s'assit et essaya de se concentrer pour refaire le trajet dans sa tête. Quand tout à coup, un monsieur passa devant lui. Un petit homme en salopette, avec une grosse moustache, un panier dans la main et une bêche sur l'épaule. Tout d'abord un peu surpris, Fabien se dit qu'après tout, c'était l'occasion d'obtenir de l'aide. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous sauriez par hasard où se trouve la sortie de la housse de couette ? Alors, il paraîtrait, je dis bien il paraîtrait, que si on continue tout droit, deuxième à gauche, puis première à droite, on arrive à la sortie. Mais je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. Tout ça, c'est des on-dit. Fabien le remercia en pleurant un tout petit peu, de gratitude, et se mit en route. Donc, gauche, tout droit, puis droite. Ça n'avait pas l'air bien compliqué. Il marcha un petit quart d'heure, suivant les instructions du monsieur à moustache, mais rien à faire. Pas de sortie de couette en vue. Jusqu'à ce qu'il croise un autre monsieur, en vélo celui-ci. Il décida de l'interpeller. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous sauriez par hasard où se trouve la sortie de la housse de couette ?»« Oula, voilà bien longtemps que je ne la cherche plus, cette sortie. Avec mon épouse, on a aménagé ici, tranquillou. On a trouvé une maison pas trop chère au village, avec un peu de terrain pour faire un potager et pour que les enfants puissent jouer. On y est très bien. Au village ? Quel village ? S'étonna Fabien. « Bah, le village ! Ou sur couette ? Ou sur couette ? Ah, vous êtes nouveau, vous. Vous venez d'arriver, c'est ça ?» Il descendit de son vélo, ils s'assirent tous les deux sur le bord du chemin, et le monsieur lui raconta. Voilà fort longtemps, le maire du village, qui à l'époque était encore étudiant, avait acheté une housse, cette housse donc. À cette époque, elle était toute neuve, elle sortait tout juste de l'usine. Et ce fut le tout premier à ne pas trouver la sortie. Alors, il décida qu'après tout, bah, on n'était pas si mal dans la housse de couette. Alors il construisit une petite cabane et s'y installa. Puis un jour, il vit arriver une fille qui s'était perdue aussi. Ils tombèrent amoureux et habitèrent ensemble. Puis, peu à peu, ils virent arriver des gens qui s'étaient perdus dans la housse de couette et qui ne trouvaient plus la sortie. Alors, comme à la grande époque de la conquête de l'Ouest, jour après jour, le village prit forme, les commerces, les rues, les écoles, les parcs, et voilà. Fabien était tout éberlué du récit de l'homme à vélo. Mais et ce village, il est où ? L'homme lui indiqua le chemin. Fabien le remercia et continua sa route. Après avoir marché un peu, il arriva devant un joli village, à l'entrée duquel se tenait un panneau, ou surcouette. Au milieu du village se trouvait une petite place ensoleillée, bordée de platanes et remplie de stands. C'était un petit marché avec plein de gens qui avaient l'air tout joyeux de faire leurs courses. Il réalisa alors qu'avec cette histoire d'Emmaüs et de housse de couette, il n'avait rien mangé de la journée. Il commençait à avoir un peu faim. Il flâna au milieu du marché et se retrouva devant un stand de boulangerie. Avant même de regarder les pains au chocolat, alors que pourtant il avait très faim, il fut frappé par la beauté de la boulangère. Il la trouva tellement jolie, avec ses grands yeux verts et ses jolies dents, qu'il pleura un peu. Mais encore une fois, d'émotion, hein, pas de tristesse. Elle lui sourit avec un sourire qui illuminait tout. Il acheta un pain au chocolat et se remit en route pour essayer de trouver la sortie de la housse de couette. Mais, à peine son pain au chocolat terminé, il se dit que un pain au chocolat, c'est quand même assez peu pour un repas. Alors, il retourna voir la boulangère pour acheter un autre pain au chocolat. Là, il pleura un peu moins, parce que bon, faut pas exagérer. Puis, il prit son courage à deux mains et se décida à lui parler. Et ça fait longtemps que vous êtes ici. Alors, la jolie boulangère, aux grands yeux verts et aux jolies dents, lui raconta qu'elle vivait seule avec ses deux enfants, Erwan et Luna. Ils discutèrent longtemps, très longtemps. Et quand ils eurent fini de parler, il faisait déjà nuit. Ils n'avaient plus envie de se quitter. D'ailleurs, ils ne se quittèrent plus et vécurent heureux dans la housse de couette, dans une jolie petite maison avec des couettes sans housse. Et Fabien ne pleura plus jamais. Enfin, si, mais de bonheur. Et voilà, l'histoire est finie et maintenant, au lit. Non, une autre. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.